السؤال السابع، هل كل من حكم أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله كافر خارج من الملة؟ وهل هناك فرق بين الحكم وبين التشريع؟ وهل هناك فرق بين الحكم في مسألة واحدة وبين الحكم في مسائل عدة وبين الحكم على الدوام بغير شرع الله؟ هذا موضوع طويل، أنا أعطيك كلمة مختصرة إن فهمتها سينفعك الله بها. وأقسم بالله العظيم إني من 20 سنة بستعمل هذه القاعدة مع الإخوان المسلمين ومع التكفير والهجرة ومع الجماعة الإسلامية. أقسم بالله ما أحد في يوم استطاع أن يخرج من هذه القاعدة في المناقشة العلمية إلى يومك. علماء السلف الصالح وعلى رأسهم عبد الله بن عباس فسر هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فسر ذلك ابن عباس قال: كفر دون كفر، أي أن الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذه الآية قال: هي كما قال ابن عباس، كفر دون كفر. الحاكم إذا حكم بغير الشريعة منكرا للشريعة أو زاعما أنها لا تصلح أو زاعما أنه لا يلزمه أن يطبق شرع الله أو رأى أن الشرع لا ينفع أو أن القانون أصلح، إذا ما اقترن شيء من هذا مع كونه حكم بغير ما أنزل الله فلا شك ولا ريب أنه يكون كافرا. وأما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله كما قال ابن عباس، كفر دون كفر، ولم ينكر شرع الله ولم يوجد شيء من هذه القرائن اللي ذكرتها، فعندئذ يكون عاصيا فاسقا ظالما لكن لا يكفر. الآن ما هي القاعدة التي تلزم هؤلاء المكفرين؟ هؤلاء يفرقون تفريقا عجيبا، يقولون: نحن لا ننكر كلام ابن عباس ولا ننكر كلام الإمام أحمد، لكننا نقول، هم يقولون، أن الحاكم لا يكفر إذا عطل حكم الله في جزئية أو جزئيات، ولكن الأصل عنده الشريعة كما كان يحصل في زمن بني أمية. فعندئذ نقول، هم يعني، أنه كفر دون كفر. قال: وأما أن يعطل الشريعة وأن يضع قانونا وضعيا يحمل الناس عليه فهذا لا يندرج في كلام السلف كفر دون كفر. إذن باختصار شديد هم ماذا يقولون؟ يفرقون بين الحاكم إذا عطل الشريعة كلها وبين الحاكم إذا طبق شرع الله ثم جاء في جزئية وعطل. مثاله: رجل يحكم بالشريعة فجاء لابن أخيه أو لقريب له وحكم له لقرابته، هذا حكم بغير ما أنزل الله، يقولون عندئذ يقال أنه عاصي لأنه ترك حكم الله في جزئية، وأما إذا وضع قانونا عاما فهذا يكون كافرا. إذن هم يفرقون بين الجزئية وبين التشريع العام، فيسمون التشريع العام يسمون صاحبه مستبدلا، فقالوا: إن استبدل الشريعة بقانون وضعي هذا كافر، وأما إذا ترك جزئية أو جزئيتين والأصل عنده الشريعة هذا عاصي. هذا كلامهم كلهم حول هذه الكلمة يبندلون. هناك في السعودية سلمان وصفر، وهنا في مصر محمد عبد المقصود، ياسر برهامي، حوز السعيد، في الأردن، في الجزائر، في اليمن، في بريطانيا محمد سرور نايف، المسعد، كلهم يقومون بهذه التفرقة. ما هي القاعدة التي تبطل هذه الدعوة؟ الآن انتبه. الكفر عند أهل السنة كفر بجنسه وليس كفرا بنسبته. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نسأل هؤلاء، نقول لهم: ماذا تقولون في رجل سجد لصنم سجدة واحدة؟ من طبيعة الجواب سيقولون كافر. طيب، رجل منذ أن ولد إلى أن مات وهو يسجد للأصنام، ماذا تقولون؟ يقولون أيضا كافر. طيب، ما الفرق الآن بين من سجد سجدة واحدة وبين من سجد طيلة عمره؟ لا فرق. لماذا لا فرق؟ لأن جنس الفعل كفر، وهو السجود للإيه؟ للصنم. طيب، مثال آخر: رجل أنكر آية من كتاب الله، ماذا تقولون؟ يقولون كافر. طيب، رجل أنكر القرآن كله، ماذا يقولون؟ كافر. يا أخي، هذا أنكر آية فقط. قال: لا فرق بين من أنكر آية وبين من أنكر القرآن كله. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفر بجنس الفعل لا بنسبته قلة وكثرة. فإذا كان أصل الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر، لم تضر النسبة قلة أو كثرة. طيب، وإن لم يكن جنس الفعل كفر، رجل شرب الخمر مرة، كفر؟ الجواب لا، هذا عاصي. طيب، رجل أدمن شرب الخمر طيلة دهره وهو يقول: أسأل الله مغفرته، غلبتني نفسي، كفر؟ لا. يا رجل، هذا يشرب مرة واحدة وهذا مدمن، لماذا لا تكفره؟ يقولون: لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس الفعل وهو شرب الخمر من الكبائر وليس من المكفرات. إذن من هنا نقول: الكفر كفر باعتبار جنسه أم باعتبار نسبته؟ جنسه. الجواب: باعتبار جنسه. فقليله وكثيره إن كان كفرا فهو كفر، وقليله وكثيره إن كان أصل جنسه معصية فهو معصية. الآن نقول لهؤلاء: أخبرونا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أهي من جنس الكفر أم من جنس المعاصي؟ لهم حالة من حالة: إما أن يقولوا أن جنس الحكم بغير الشرع من الكفر الأكبر، أو يقولوا من المعاصي التي لا يكفر صاحبها. في احتمال ثالث؟ لا. طيب، إن قالوا أنها من جنس الكفر الأكبر، قلنا لهم: وأنتم لا تكفرونه إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة. إذن لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر، لا لزمكم أن تكفروا من ترك جزئية واحدة، كما تكفرون من سجد للصنم سجدة واحدة، وكما تكفرون من أنكر آية واحدة من القرآن، لأنكم نظرتم إلى جنس الفعل. لكنهم لا يكفرون بذلك، بل هم يتوافقون معنا. لو أن رجلا حكم الشريعة وأتى في بعض الجزئيات وترك تطبيق الشرع، يقولون هذا عاصي، والذي يكفره من الخوارج. إذن يتوافقون معنا في هذه الصورة. إذن هذا دليل وحج عليهم أنهم جعلوا جنس الحكم بغير ما أنزل الله من المعاصي، وإلا لكفروه وإن نحى الشرع في جزئية واحدة. لذلك هذا يجرهم لقاعدة الخوارج. الآن أنت في بيتك ظلمت ابنا من أبنائك، هل حكمت بما أنزل الله في هذا الولد؟ لا. هل تكفره؟ لا. إذن الاعتبار الآن في الحكم بغير ما أنزل الله يدخل في القاعدة السابقة، النظر إلى جنس الفعل. فإما أن يكفروا كل من عطل جزئية واحدة، وإما أن لا يكفروا من استبدل الشرع بإيه؟ بقانون وضعي. لأن الأمر الآن مداره على ماذا؟ على جنس الفعل دون النظر إلى قلته أو كثرته. أنا أقسم لك بالله العظيم وأشهد الله أني صادق، منذ أن نزلت مصر وناقشت هؤلاء ألزمهم بهذه القاعدة، مع أني كنت صغير السن ورب الكعبة، ما أحد منهم يستطيع أن يجيب. لماذا؟ هذا كلام الأئمة. ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. أهل السنة ينظرون إلى جنس الفعل، فإن كان جنس الفعل كفر لم ينظروا إلى قلته وكثرته. Voici une règle claire expliquée par Cheikh Khalid Abdelrahman al-Misri, qui fait taire les forcenés du tekfir, qui se fanatisent pour rendre mécréants les gouverneurs musulmans à cause de la question des lois positives. La question: est-ce que celui qui gouverne ou bien recourt aux tribunaux, qui n'applique pas la loi d'Allah, est considéré comme mécréant, sortant de la religion? Y aurait-il une différence entre ce type de gouvernement et la législation des lois nouvelles? Et y a-t-il une différence entre gouverner dans une seule question et gouverner dans plusieurs questions, ainsi que gouverner toujours, non pas selon la religion d'Allah? La réponse de Cheikh Khalid Abdelrahman, hafidhahullah. Ce sujet est long. Je te donnerai plutôt une explication concise, une règle précise. Si tu la comprends, Allah puisse faire que tu en profiteras. Et je jure par Allah le Glorieux que j'utilise cette règle depuis 20 années face aux frères musulmans. At-takfir wal-hijra et jama'a al-islamiyya. Je jure par Allah le Glorieux que personne n'a pu un jour déroger à cette règle lors d'une discussion scientifique jusqu'au jour où nous sommes. Les savants des salafs salih et à leur tête Abdullah ibn Abbas ont expliqué ce verset. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ibn Abbas l'avait expliqué et dit: C'est une mécréance moins que la mécréance. Kufrun duna kufr. C'est-à-dire que le jugement d'après d'autres lois que celles qu'Allah avait fait descendre est tantôt une mécréance majeure, tantôt une mécréance mineure. Et quand Ahmed ibn Hanbal, l'imam, fut interrogé au sujet de ce verset, il répondit: c'est comme avait dit Ibn Abbas, une mécréance moins que la mécréance. Si le gouverneur juge par autre chose que la charia, la législation islamique, tout en reniant celle-ci, ou prétendant qu'elle ne sert pas, ou qu'il n'est pas obligé d'appliquer la loi d'Allah, ou voyant que la religion n'est pas utile, ou que la loi positive serait meilleure, s'il associe l'une de ses prétentions au fait d'avoir gouverné par d'autres lois que celles d'Allah, alors il n'y aura nul doute qu'il est mécréant. Tandis que s'il avait jugé non pas d'après les lois d'Allah, comme Ibn Abbas avait expliqué, une mécréance moins que la mécréance, mais sans renier la religion d'Allah, et qu'il n'a présenté aucun de ces signes, ces prétentions précédentes que j'avais expliquées, que j'avais citées, alors dans ce cas, il serait pécheur, asin, pervers, fasiq, et injuste, zalim. Néanmoins, il n'a pas contracté la mécréance majeure. Maintenant, quelle est la règle qui intimide ces takfiris? Ces gens-ci font une distinction bizarre. Ils disent: nous ne renions pas la parole de Ibn Abbas, non plus que celle de l'imam Ahmed. Cependant, nous affirmons que le gouverneur n'est pas mécréant s'il gèle le jugement d'Allah dans un seul détail ou quelques détails, tout en ayant la législation islamique comme règle de base, comme cela se produisait à l'ère de Banu Umayya. Dans ce cas, nous disons que c'est une mécréance moins que la mécréance, kufrun duna kufr. Puis ces takfiris poursuivent: cependant, s'il écarte la législation et pose une loi humaine qu'il impose aux gens, alors ceci ne rentre pas sous l'explication des salafs. Une mécréance moins que la mécréance, kufrun duna kufr. Alors, si l'on résume, qu'est-ce qu'ils disent, ces takfiris? Ils distinguent entre le juge qui écarte toute la législation et celui qui applique la loi d'Allah, mais il en annule un détail. Prenons un exemple. Un homme qui gouverne d'après la législation islamique, mais vint son neveu ou un autre proche, il gouverne en sa faveur justement pour ce lien de parenté. Celui-ci a jugé par une autre loi que celle d'Allah. Ces takfiris disent alors: c'est un pécheur, car il a délaissé la loi d'Allah en un détail. Tandis que s'il pose une loi générale, celui-ci, dans ce cas, sera mécréant. Donc, il différencie entre le cas particulier et entre la législation générale, et ils appellent celui qui procède par une législation humaine générale, mustabdil, c'est-à-dire qui remplace la loi d'Allah par celle des hommes. Ils ont dit: s'il supplante la législation islamique et implante la loi positive, celui-ci est mécréant. Alors que s'il délaisse un détail ou deux, et la règle de base pour lui et la législation, celui-ci est pécheur, asin. Ceci et leurs pensées. À eux tous, ils pérorent autour d'elle. Là-bas en Arabie Saoudite, vous trouvez Salman et Safar. Ici en Égypte, Mohamed Ben Abd Maksoud, Yasser Bourhami, Fawzi Saïd et d'autres. En Jordanie, en Algérie, au Yémen, en Mauritanie, Mohamed Sourour, Naïf Ben Moussaïd. Ils adoptent tous cette distinction. Quelle est la règle qui annule cette prétention? Maintenant, fais bien attention. Pour Ahl Sunna, la mécréance est vue en tant que genre. Et le péché n'est pas considéré par sa quantité ou sa répétition pour en déduire une mécréance. Qu'est-ce à dire? Nous demandons à ces gens, c'est-à-dire aux Takfiri, que dites-vous d'un homme qui s'est prosterné pour une idole une seule fois? Bien sûr qu'ils diront qu'il est mécréant. D'accord. Et que dites-vous d'un homme qui se prosternait aux idoles depuis sa naissance jusqu'à la mort? Ils diront, c'est également un mécréant. D'accord. Quelle est maintenant la différence entre celui qui se prosterne une seule fois et celui qui se prosternait toute sa vie? Il n'y a pas de différence. Pourquoi n'y aurait-il pas de différence? Car le genre d'acte est une mécréance, la prosternation aux idoles. D'accord. Une autre question. Un homme reniait un verset du livre d'Allah. Que dites-vous? Ils disent c'est un mécréant. D'accord. Un homme renie le Coran en entier. Que dites-vous? Mécréant. Mais voyons, mon frère, celui-ci renie un seul verset. Il dira, il n'y a pas de différence entre celui qui renie un seul verset et celui qui renie tout le Coran. Pourquoi? Car la norme chez Ahl Sunna est que la mécréance se produit par le genre d'acte, non pas par sa quantité, petite ou grande. Alors, si la base de l'acte, ou de la parole, ou de la croyance est une mécréance, son pourcentage n'influe pas en abondance ou en rareté. D'accord. Et si le genre d'acte n'est pas une mécréance, un homme boit l'alcool une fois, est-il mécréant? La réponse est non. C'est un pécheur. D'accord. Et s'il est devenu alcoolique tout au long de sa vie, et il dit, j'implore le pardon d'Allah, ma passion m'a vaincu. Est-ce un mécréant? Non. Oh mon frère, celui-ci a bu une fois, et l'autre est devenu alcoolique, du genre chronique. Pourquoi tu ne le rendrais pas mécréant? Ils dirent, de celui qui boit le vin durant toute sa vie, le genre de son acte, boire l'alcool, est parmi les péchés majeurs et ne compte pas parmi les actes de mécréance. Alors, partant de là, nous disons, la mécréance est évaluée sur le critère du genre ou sur la base du pourcentage de la répétition de l'abondance? La réponse est que c'est plutôt sur le critère du genre qu'elle repose. Qu'il soit peu ou prou, s'il est mécréance, il demeure une mécréance. Et s'il est en petit ou en grand nombre, si la base de son genre est un péché, il demeurera un péché. À présent, nous demandons à ces gens, Renseignez-nous sur la question du jugement par d'autres lois que celles qu'Allah avait fait descendre. Relève-t-elle du genre de mécréance ou de celui des péchés? Ils doivent choisir entre ces deux cas. Soit ils diront que le genre du gouvernement par d'autres lois que celles de la législation islamique relève de la mécréance majeure. Soit ils diront qu'il relève des péchés qui n'annulent pas l'islam de son sujet. Cheikh Khalid demande, y aurait-il un troisième cas? L'étudiant répond, non. Le cheikh poursuit, d'accord. S'ils diront qu'ils relèvent de la mécréance majeure, nous leur rappellerons ceci. Mais vous n'avez pas rendu mécréant celui qui délaisse le jugement d'Allah dans un seul détail. Donc, si le genre du jugement par d'autres lois que celles qu'Allah avait fait descendre entrait dans la catégorie de la mécréance majeure, alors vous devriez rendre mécréant celui qui délaisse un seul détail, comme vous rendez mécréant celui qui se prosterne une fois devant une idole, et comme vous rendez mécréant celui qui renie un seul verset du Coran. Car là, vous avez observé le genre d'acte. Or, ils ne rendent pas mécréant pour cela, c'est-à-dire délaisser un détail ou juger une seule fois. C'est plutôt qu'ils s'accordent avec nous sur ce point. Si un homme gouverne par la législation islamique, sharia, et il en vient à quelques détails et s'abstient d'appliquer la religion sharia, il juge que c'est un pécheur, asi, et que celui qui le déclare mécréant est de la secte des Khawarij, car il s'accorde avec nous dans ce cas. Donc ceci est un argument et une preuve contre eux. C'est qu'ils ont rendu le genre de juger par d'autres lois que celle d'Allah un genre dépendant des péchés. Sinon, il l'aurait rendu mécréant, même s'il déroge à la religion en un seul détail. C'est que ceci les tire vers la règle des Khawarij. Le cheikh s'adresse à un premier étudiant. Maintenant, t'es dans ta maison, t'as été injuste à l'égard d'un de tes enfants. As-tu jugé par ce que Allah avait fait descendre concernant cet enfant? La réponse est non. Le cheikh s'adresse à un deuxième étudiant. Vas-tu rendre ton camarade mécréant? La réponse est non. Alors, le jugement par d'autres lois que celles qu'Allah avait fait descendre relève de la règle précédente, à savoir qu'on regarde du côté du genre de l'acte. Alors, soit ils rendront mécréant toute personne qui n'applique pas un seul détail, ou bien ils déclareront mécréant celui qui remplace la législation islamique par la loi positive. Car il s'est avéré maintenant que cette question dépend de quoi? Du genre de l'acte. Abstraction faite de sa quantité en grandeur ou en petitesse. Je te jure par Allah le glorieux, et j'atteste par Allah que je suis sincère, que depuis que je me suis installé en Égypte et que j'ai discuté avec ces gens, je les oblige par cette règle. Même lorsque j'étais jeune, par Allah Seigneur de la Kaaba. Personne d'eux ne put répondre. Pourquoi? Car c'est là-dedans la parole de nos imams. Je cite. Et nous ne rendons pas un musulman mécréant pour un péché tant qu'il ne l'a pas vu comme licite. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلْ لَهُ. Ahlus Sunnah regarde du côté du genre de l'acte. Si c'était un acte de mécréance, il ne regarde plus du côté de sa quantité, petite ou grande.